Ce vendredi, à la vie en BD, des relations père-fils, la vie littéraire de Québec, des commentaires BD et plus. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier au micro, avec vous jusqu'à 18h30 pour parler 9e art, pour plonger dans la sphère de la bande dessinée, et cette semaine, la bande dessinée qui nous parle de relations père et fils, de dialogues qui sont parfois pas faciles à entamer, mais qui font du bien une fois qu'ils ont été entamés, une fois qu'ils auront été amorcés. Et c'est un peu le cœur du nouvel album que Paul Bordelot nous offre du côté des éditions de La Pastèque, sortie toute récente. Et Autour du golf, en fait, comme prétexte au dialogue, un album tout en lenteur dont on avait vivement envie de vous parler en cette journée. Alors, ce sera le cas, on le fera dans quelques minutes là avec Paul Bordelot, qui sera avec nous en studio. Également, en deuxième moitié d'émission, on va porter un regard sur une exposition qui vient de commencer également. On est vraiment dans l'actualité cette semaine, après des semaines de rattrapage, ça fait du bien. Alors, c'est Anthony Charbonneau-Grenier qui nous offre une exposition qui s'appelle « Micro ouvert à la Maison de la littérature ». Et lui, ben enfant, a été assisté à différents événements de la vie littéraire de Québec, des lectures poétiques tout particulièrement, puisqu'il est poète et illustrateur et auteur BD. Et ben justement, à travers ces événements-là auxquels il a assisté, il s'est inspiré de gens qu'il a entendus, qu'il a vus, et il a créé des personnages auxquels il a lié des poèmes de son cru. Alors, ça fait des couples assez intéressants. On avait envie de parler de ce projet-là avec lui et de son regard aussi sur cette vie littéraire qu'il a choisi d'illustrer. Alors, ce sera en deuxième moitié d'émission. Également, en fin d'émission, l'un de nos libraires en résidence, Jérôme Vermette, de la librairie La Liberté, viendra nous partager quelques commentaires BD. On jasera entre autres Lucky Luke et entre autres bien d'autres choses. Alors, c'est le menu un peu pour cette semaine. Donc, 3 entrevues studio qu'on a bien hâte de vous partager. Et comme d'habitude, on commence l'émission avec quelques actualités, notamment, enfin, on commence largement, activement à parler du 30e Festival de la bande dessinée francophone de Québec, l'événement qui est en route vers sa 30e présentation. Et un peu moins d'un mois de l'événement, l'équipe du festival est évidemment en train d'ajouter des dernières touches à une programmation qui, a-t-on annoncé par votre communiqué, qui s'annonce comme la plus généreuse de son histoire. Donc, l'événement sera présenté sur 9 jours, mais avec des activités associées également offertes tout au long du mois d'avril. Un événement qui s'annonce donc assez varié, 125 auteurs qui vont participer aux divers volets de l'événement. Parmi ceux-ci, on note d'ores et déjà Francis Desharnais, Max Fitzgerald, Makina Fregg, Régis Loisel, Grégoire Bouchard, des Mathieu Cassando, Ariane Dénommé, Rémi Ménègre, Lolita Séchant, Étienne Davodeau, Grégoire Rosinski, Nora Moretti, Nix, Romain Renard et plusieurs autres. En fait, une liste complète qui sera dévoilée le 14 mars, mais déjà ça donne une idée. Et question de complémenter un peu cette liste, déjà très riche d'ailleurs, on a commencé aussi à dévoiler le premier week-end du festival, donc les 1er et 2 avril, où on annonce un programme extrêmement varié, notamment 1er avril en collaboration avec le Musée de la Civilisation, dans le cadre, en collaboration également avec un événement qui s'appelle Décoder le Monde. Il y aura une soirée dansante et gratuite avec deux bandes à saveur électropop, Le Matos et Beat Market, et Beat Market lui sera offert en concert dessiné avec Paul Bordelot et Caroline Soucy. Le lendemain, toujours au Musée de la Civilisation, on présentera le fabuleux cabaret numérique, une rencontre unique et originale entre le cirque et le dessin par le biais des technologies. Donc, la suite d'un premier laboratoire de cirque dessiné qui avait été proposé l'an dernier, toujours du côté de Parenthèse 9. Et en dehors du Musée de la Civilisation, pendant le premier week-end, On aura deux activités famille du côté du Cercle le dimanche 2 avril, donc à 11h, un brunch dessiné avec l'illustratrice Marie Lamont de Simard, et puis à 13h, une boom BD avec New Joe Cool, l'alias donc de Pierre Bouchard, ainsi que le groupe Oromocto Diamond, qui vont accueillir les enfants dans la salle de spectacle du Cercle pour une vraie fête à saveur BD. On dit au menu, il y aura de la musique, du dessin en direct, de la danse, des défis, de l'animation participative. Alors, ça risque d'être assez sympathique, et également, toujours dans le cadre de ce premier week-end, dans différentes bibliothèques de Québec, en fait, Félix Leclerc et la bibliothèque de Charlebourg, donc Polémique Paiement. Donc, du 1er au 4 avril, il y aura Julien Paris-Sorel qui sera en résidence de création numérique, en fait, donc de la bande dessinée numérique qui sera exécutée de ce côté. Et on pourra aller à la rencontre, évidemment, de cet auteur. Sinon, autre élément qui a été annoncé, bon, il y a déjà quelques expositions qui sont sorties, il reste, mais notamment une qu'on tenait à vous signaler, en fait, une belle initiative, je trouve, du festival. Alors, c'est Yvette Lapointe qui sera mise de l'avant lors de la 30e édition de l'événement. Qui est-elle? Eh bien, il s'agit de la première femme à faire de la bande dessinée au Québec. Alors, en fait, c'est quand même une pionnière du médium, de toute évidence, mais qui, malheureusement, a été oubliée au fil du temps. Et en un sens, ben, l'exposition qui lui sera consacrée à l'occasion du festival, qui sera présenté d'ailleurs du 1er au 30 avril à la Maison Tessier d'Île-la-Plante à Beauport, eh bien, ce sera une occasion de redécouvrir cette figure de l'histoire de la bande dessinée d'ici. On parle d'une carrière quand même d'une dizaine d'années environ, une époque où il y avait peu de femmes, voire pas du tout, qui faisaient de la bande dessinée, 1932 à 1942. Donc, 10 années de travail au fil desquelles les lecteurs québécois ont pu apprécier son talent à travers des dessins d'humour, des illustrations publicitaires, des strips, entre autres sa série Les Petits Expiègles. Alors, ce qu'on dit, en fait, je reprends un peu des notes biographiques qui sont diffusées, entre autres, sur le site du festival fbdfq.com, mais qu'elle est née donc le 19 août 1912 à Montréal, qu'elle a démontré très tôt un intérêt pour le dessin. Le volet public de son travail, donc, s'est amorcé, comme on le disait, en 1932 dans l'illustration. Une bande quotidienne qui s'intitule « Pourquoi? » dans laquelle elle propose des observations parfois fantaisistes sur la vie de l'époque et les relations hommes-femmes. Et le 27 mai 1933, elle amorce dans La Patrie, la première de sa série « Les Petits Espiègles », une série inspirée de ses petits frères et sœurs plus jeunes, et dans lesquelles elle raconte les tribulations donc de deux enfants, Réal et Mimi, une série qui durera 4 mois. Au fil desquels son travail va se tailler une place auprès d'autres populaires séries québécoises et américaines qu'on retrouvait alors dans ce journal. Et ensuite, ben, elle passera à l'hebdomadaire le samedi pour revenir sur des observations sur la vie et le couple et entre autres aussi des illustrations commerciales et le reste. Alors, elle sera quand même très active pendant ses 10 ans. C'est son mariage en 1943 qui l'amènera à cesser sa carrière d'illustratrice. Elle passera maintenant au travail de mère. 4 enfants, tous mathématiciens aujourd'hui et d'ailleurs. Et donc, Yvette Lapointe est décédée le 5 septembre 1994. Alors, une figure pionnière qu'on avait malheureusement oubliée, je crois, et on est bien content qu'elle soit remise comme ça un peu de l'avant lors de cet événement. Alors, ce sera à surveiller lors du 30e festival. Alors, voilà pour ces clins d'œil à l'actualité. Et maintenant, en musique, on écoute Astro the Fox cette semaine avec un album qui s'appelle Drinking, Rocket Fuel is Fun. Et on écoute un premier extrait. Voilà, Throw the Fox, toujours musique à saveur 8 bits qui nous accompagne ici à la vie en BD. Et je rappelle d'ailleurs que si vous voulez nous suivre, c'est possible de le faire sur Facebook, facebook.com/la vie en BD. On est actif sur ce réseau social. Et maintenant, ben, en studio avec nous, on plonge donc avec Paul Bordelot dans l'univers de sa toute nouvelle bande dessinée qui s'appelle Le Septième Vert. C'est du côté des éditions La Pastèque. Paul Bordelot, bonjour. Salut Raymond. Et ben, dans le fond, pour ce projet, ça faisait 7 ans d'abord, en fait, une pause de bande dessinée pour différentes raisons, et t'as choisi, dans le fond, au fil de cette pause et pour y mettre fin, de t'intéresser d'explorer la relation que t'entretiens avec ton père. Ouais, ben, il y a eu une pause, c'est pas vraiment une pause, mais il y a eu comme, tu sais, il y a eu le projet qu'on a fait avec Lyon BD. Oui, on te fait à gauche, à droite, mais ouais, en termes de production solo, maintenant. Solo, un vrai solo. Ouais, ok. Ouais, je me suis penché, sur ma famille. Fait que j'ai été, un party de Noël, j'ai eu un flash. Je me suis dit, ouais, ça serait une bonne histoire à raconter, mon père et moi, qu'on joue au golf depuis quelques années, déjà. Puis, c'était propice à un huis clos, à des secrets de famille, que je connaissais, puis que j'ai découvert en grattant aussi, d'ailleurs, en écrivant ça. Et Paul, tu mentionnes un huis clos, mais c'est un huis clos sur un terrain de golf. Donc, on a des paysages, on a du vert. C'est pas un huis clos sombre où on sent écrasé. Au contraire, comme une ouverture, en fait. Puis c'est un peu une renaissance de cette relation-là avec le père. Ouais, ben écoute, c'est deux générations, mais c'est sûr qu'un huis clos dans un espace ouvert, c'est pas un huis clos. Mais c'était comme un vol d'oiseau plus au-dessus de deux joueurs. Puis ouais, rencontrer son père sur un terrain de golf, ça devient comme plus son père, parce que mon père me donne essentiellement une formation de golfeur quand j'étais avec lui, puis il essaie de peaufiner mon jeu, puis d'améliorer mon coup de départ, mon putting et tout. Puis il aime ça, tu sais, on devient deux chummies quand on est sur le terrain. Puis ben veut pas, en vieillissant, les hommes parlent un peu plus, fait que j'ai pu avoir de l'information, suturer de l'information. Mais je trouvais ça le fun de raconter une histoire familiale sur un lieu où on pense pas qu'on pourrait raconter. Mais il y a tellement de choses qui se passent sur un terrain de golf, de toute façon. C'est un lieu de confidence, c'est un lieu de proximité, parce que dans le fond, de ce qu'on en comprend dans la bande dessinée, ben les rapports sont chaleureux, mais pas toujours profonds, si on peut dire. Des fois, on est en surface un peu. Ouais. Et avec le golf, ben justement, avec cet autre père que tu découvres là, mais on est capable d'aller chercher autre chose, d'aller chercher un autre mode de dialogue, un autre mode de complicité, peut-être. Ouais, c'est ça, parce que tu te retrouves à marcher ensemble, même si tu pars à quatre. Dans mon histoire, j'ai comme essayé d'arranger ça pour qu'ils se retrouvent les deux tout seuls, parce que normalement, tu pars à quatre au golf, t'as un foursome, puis là, à ce moment-là, ben, il y a de plus, on tombe plus sur l'anecdote ou les jokes, puis quand on se retrouve les deux tout seuls, ben, veux pas, quand t'es quatre, t'es deux ensemble, mais là tu te retrouves à suivre l'autre, c'est le meilleur coup qu'on s'approche tranquillement. Puis ben oui, il y a des anecdotes, mais il y a aussi ça, les confidences, veux pas. Il y en a pas de temps que ça sur un terrain de golf, mais quand il y en a, il y en a. et l'histoire, en fait, du Septième Vert, c'est un peu, dans le fond, ton avatar que t'as appelé Stéphane, qui gratte justement pour avoir une ou deux confidences pour relier des un casse-tête qui comprend pas, c'est ça. Puis la mort d'un personnage qu'on dira pas dans l'histoire, puis aussi en fin de compte peut-être une retraite anticipée de son père, que j'ai jamais compris comment ça, tu sais, 55 ans t'es parti de ta job. Lui, Stéphane, était à ce moment-là parti aux études, là je le nomme pas tout ça. Mais donc c'est ça, on apprend deux trois trucs, ouais, sur le père, sa maladie. C'est sûr que j'aurais pu en mettre beaucoup. Mon album a 80 quelques pages, 96 pages, je pense. Il en faisait beaucoup plus. Ben, il en faisait peut-être une vingtaine de plus qu'on a retranché, qu'on va peut-être mettre sur le Facebook ou dans l'édition Collector ou Director's Cut. c'est un album, en fait, si on parle peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense, dans le procédé autour de ça, ce qui frappe, c'est notamment, en fait, la lenteur où sur 90 pages, en fait, tu te permets de vraiment nous permettre, comme lecteur, de sentir l'ambiance de cette conversation-là, sa progression, et dans le fond, à un moment donné, enfin, on veut savoir ce qui en ressort, mais en même temps, le chemin qu'on parcourt, puis le moment de complicité auquel on assiste, the journey is the destination, comme ils disent en anglais, donc ça devient un peu, la confidence devient un peu l'à-propos du chemin pour s'y rendre, là, presque. Oui, c'est ça, le chemin peut être court ou peut être long, tout dépendant comment on voit le golf, là, mais le golf est quand même un sport très lent, tu sais. À moins que tu aies éventuellement apprécié, peut-être au travail, travail tout de suite après, mais les personnes qui jouent normalement sont très relaxes, donc on peut justement aller tranquillement dans un récit, ce qui permet ce huis clos-là d'être plus lent que normalement. Puis j'ai voulu installer des scènes. Le golf, c'est ça, c'est l'observation. On est là, on est dans la nature, on sent les choses, on ressent. Mon personnage ressent le golf aussi, tu sais, comme son père un peu le ressent. Puis on devient peut-être quelqu'un d'autre sur un golf. Il y en a qui disent, bon, c'est un sport de snob. Moi, je trouve pas, je rencontre des gens, j'ai beaucoup de femmes, beaucoup de fun à jouer avec des femmes plus âgées, là, tu sais, des femmes à la retraite qui jouent au golf sont, ben, c'est ça, ils sont relax, ils jouent super bien. D'ailleurs, ben, je trouve qu'ils jouent mieux que les gars, là. Les femmes au golf, là. Mais, parce qu'ils sont, c'est plus méthodique, les gars se fâchent souvent et tout, mais c'est peut-être un petit côté que je trouve plus fun au golf, c'est de prendre son temps. Donc c'est ça, le golf permet de ralentir le récit. Ouais. Et donc, dans le fond, quand tu dis, OK, on y va avec l'idée de la partie de golf, des confidences, du dialogue, et dès le départ, dans le fond, tu dis, OK, ça va être un récit lent, on va contrôler le rythme, ouais, un peu dans ce sens-là. Mais de bien faire du lent, c'est pas évident non plus. Ouais, ben il faut... c'est sûr que le découpage... faut se permettre, en fin de compte, avec la pastèque, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on n'a pas de pagination. T'sais. C'est pas un 48, c'est pas un 54, c'est pas un 62. Fait que je pouvais justement mettre vraiment des scènes qui permettaient un souffle. T'sais, là, parce que je trouvais, moi je le voyais un peu comme un film aussi. Puis je l'ai dit à quelques entrevues avant là, que j'avais fait un casting. Stéphane, pour moi, c'était Patrick Huard. Puis à ce moment-là, on fait ça en BD, tu sais, à la chope à bulles souvent, là, on voit les autres travailler, puis on voit les castings de Jeff ou de Richard ou Nickel, puis on voit qu'on castait des acteurs ou des actrices pour avoir des expressions, des émotions. Donc moi, j'avais casté déjà mes personnages, puis j'ai pu, à travers ça, ben faire comme un petit film, mais tu sais, un film lent. Puis aussi, je voulais aller dans l'émotion. C'était ça un peu, là. Fait que je trouvais que la nature, je trouve qu'il y a quelque chose d'émotif dans la nature. Tu sais, les arbres, la marche, c'est quelque chose de très contemplatif. Puis, ouais, je voulais aller chercher un peu, peut-être, plus un petit côté émotif, mais ce qu'on voit moins chez les hommes, mais qui est là, quand on gratte, là, il y a de l'émotion. Là. Fait que, même si c'est 87 ans, là. Puis tu parles de casting, en fait, j'aimerais t'entendre un peu là-dessus, parce que, dans le fond, on comprend que c'est un récit qui a un fort côté autobiographique, dans le fond, c'est inspiré de la vraie relation, de vrais échanges, ouais, que tu as avec ton père, mais tu as, ouais, choisi de mettre en scène un avatar, donc que tu as appelé Stéphane plutôt que Paul, de créer quand même une certaine distance aussi entre toi, oui, et le récit. C'est de l'autofiction, hein, fait que, tu sais, comme le personnage du frère de Stéphane, Thomas, ben c'est un mix entre ce qui m'est arrivé pour de vrai dans la vie, que perdre un ami d'une certaine façon, je dirais pas parce que c'est dans l'histoire, mais assez jeune, donc j'ai mixé des personnages, je veux pas, tu sais, il y a des avatars, mais il y a aussi des gens qui m'ont, il y a même Geneviève Boivin qui est dans l'histoire, on la reconnaît pas, une fille qui fait de l'impro avec nous, l'impro BD, qui est une très grande golfeuse en passant, Geneviève, puis là ça a été retranché là, sa partie, mais on la voit quand même un petit peu m'emmener dans l'histoire, mais c'est ça, j'étais allé chercher des gens que je connaissais, d'autres que j'ai mixé. Donc ça permet en fait d'accentuer le côté autofiction, parce que, ouais, dans le fond, ouais, l'anecdote de départ est la tienne, mais, ouais, à un moment donné, après ça, faut la développer pour que ça passe en remplir. Récit aussi. Oui, c'est ça, parce que la vie est pas toujours super intéressant. Mais donc c'est ça. C'est comme tu dis, autofiction, autobiographie. Moi, je voyais ça plus comme l'autofiction. Puis tu sais, j'ai eu un point de départ, c'était un film avec George Clooney qui s'appelle The Descendant, qui se passe à Hawaï, là. Puis j'avais vu ce film-là avant les fêtes, puis j'ai fait, ouais, je trouve que ça manque des fois dans les récits québécois au niveau du cinéma, que s'attacher au personnage, autant que ça soit drôle, touchant, puis dramatique. T'sais, souvent dans les films, c'est très dramatique, les relations père-fils, puis peut-être qu'un Zoo la nuit allait peut-être plus vers, c'est peut-être plus vers ça que je voyais mon récit. Je l'ai vraiment conçu comme un petit court-métrage. Oui, parce que dans le fond, il y a un côté très très émotif, je pense que tu le disais bien, mais il y a pas non plus, c'est pas un côté dramatique où il y a comme une tension, tu sais, ça se fait, c'est comme des confidences qu'on va chercher, mais oui, on sent pas en fait un climat de belliqueux peut-être entre les deux là, c'est. Non, ben non, parce que mon père est très doux là, tu sais, puis il disait que son père était peut-être un peu plus rough là, mais même encore. Mais non, je voulais pas aller là, vers quelque chose, tu sais, on se pogne la tête, puis c'est quand même, je veux dire, c'est beau être joué au golf, mm-hmm, c'est le fun d'aller jouer au golf avec son père, surtout quand c'est un moment-là privilégié. Moi, c'est sûr que je suis un très mauvais golfeur, ben, je trouve, peut-être moins maintenant, là, mais, donc, c'est le bonheur d'aller, même quand il pleut, tu sais, les golfeurs sont fous, là, tu sais, les autres, il pleut, il y a des orages, ça continue pareil, ils sont tous mouillés, let's go, on y va, tu sais, y a rien qui va les arrêter. La saison est tellement courte. D'ailleurs, je me demande pourquoi on joue pas au golf l'hiver avec des balles rouges puis des raquettes. Je comprends pas encore, là. Ils ont pas catché peut-être les golfs que il y avait peut-être un concept à faire derrière ça, là. Mais, donc tout ça te permet, dans le fond, d'aller chercher un peu une manière d'aborder cette thématique-là de façon, je dirais pas atypique, mais presque. Il y a quand même un petit côté atypique d'aller chercher une émotion qui est une sincérité peut-être un peu à travers tout ça aussi. Dans le fond, dans une certaine simplicité. Dans le fond, on n'a pas de grands artifices. C'est un récit qui est somme toute tout simple, qu'on peut résumer en deux phrases, mais qui est vécu sur quand même de manière assez prolongée aussi. Sur un neuf trou, c'est ça. Mais j'essaie d'être honnête. J'essaie de pas me mentir à moi-même, de rester sur ma ligne, de jamais déroger, puis de faire quelque chose d'honnête. Qu'elle ait touché autant monsieur tout le monde qu'un spécialiste du golf, qu'un amant de la bande dessinée ou une amante de la bande dessinée. Puis il y en a qui vont penser que c'est une BD sur le golf, mais c'est pas du tout ça, tu sais, c'est vraiment un prétexte, là. Et est-ce qu'on l'a fait un peu aussi pour soi, dans le fond, dans l'idée de plonger dans un récit qui t'est personnel, de rendre un peu hommage à ce moment-là, moment similaire, dans le fond, que t'as partagé avec ton père? Ben rendre hommage à cet homme-là, là, tu sais, qui m'a fait, puis que, père, tu sais, on disait père absent, moi j'appelle ça père absent, fils qui dessine, tu sais, dans moi c'était ça, tu sais. Puis, mais c'était cette génération-là, donc c'est une rencontre aussi. Entre deux générations, celle de nos pères, le mien qui est une génération là, qui est née en 30, puis moi qui est née dans la fin des années 60, mais il y a une bonne différence la façon qu'ils ont élevé leurs enfants, puis la nôtre, on était là pour nos enfants, eux ils partaient de loin, leur coffre à outils, moi ce que mon père m'a donné dans la BD, je pense que je le dis à un moment donné, c'est qu'il m'a donné ses outils, puis je fais ce que je veux avec le coffre, là, j'enlève des outils, j'en mets d'autres, donc une rencontre entre deux hommes. Il y a des femmes aussi dans l'histoire, là, tu sais, c'est pas qu'une affaire de gars, là, le golf, là, mais c'était un prétexte, comme tu dis, à aller raconter quelque chose qui m'est proche d'un homme comme lui, qui peint dans sa cave, comme un homme qui n'a pas besoin de montrer ce qu'il fait aussi. C'est une humilité d'artiste que moi j'aimerais avoir en vieillissant, de pas nécessairement tout montrer ce que tu fais, tu sais. Le faire pour soi, c'est super intéressant. Il y a des artistes, je sais pas si tu as vu le dernier, Jim Jarmusch, Patterson. Le gars, il fait de la poésie, mais il monte à personne. T'sais. Fait que c'est super beau. Là. Tu te dis, ben oui, ça peut être ça, de l'art, le partager, mais le faire pour soi aussi, c'est peut-être l'ultime façon de faire de l'art. Là. Et en termes de préparation, de travail, de recherche, de lecture, comment s'est passé un peu? Parce que, dans le fond, on le dit depuis tantôt, c'est de l'autofiction, c'est inspiré de la réalité aussi. Ouais, il y a beaucoup de recherche. Donc, pour lui, ben, j'imagine aussi qu'il y a une façon pour ton père de recevoir cet album-là, autant que pour toi de lui partager aussi directement. Là, oui, ben, ça a été un moment assez spécial quand j'ai remis, puis qu'il l'a pris, puis qu'il l'a lu, parce qu'il s'est retrouvé, même si c'est pas tout à fait lui, là, c'est Serge et non, mon père s'appelle André, mais je veux dire, oui, il y a un partage qui s'est fait, puis moi, dans la façon de fabriquer cette histoire-là, c'est sûr qu'il y a énormément de recherches dans une BD, même si ça paraît simple. Là. Moi, le golf là, sur lequel on joue, c'est un mix de plusieurs golfs, plusieurs recherches de photos, et les maniements du bâton et tout ça. En amont, il y a vraiment une grosse job qui paraît pas, puis je suis content que ça paraît pas, parce que moi, je dessiner des gars qui frappent des balles de golf, c'est pas évident. Là. C'est la bonne prise de main, les bons bâtons, les techniques de golf, j'en parle un peu. C'est un petit peu un cours de golf en même temps. Il y a des informations précises sur des détails du golf, mais en même temps, je me suis beaucoup, beaucoup amusé, là, parce que c'était comme pour... Parce que quand tu fais un album qui dure 2 ans, le mien s'est étiré un peu plus, là, mais il faut qu'au départ, il faut que t'aimes ton sujet. Si t'aimes pas tes personnages, tes fêtes, là, tu vas t'emmerder pendant 2 ans, là. Et puis en parallèle aussi, tu choisis de varier, j'ai l'impression, les teintes, les tonalités au fil des pages, c'est par bloc chromatique. Ouais, qui va amener l'émotion. Mais toujours des couleurs chaudes quand même aussi, on sent pas de froideur dans cet album-là, il y a toujours une chaleur qui en ressort de tes choix de couleurs, de tes palettes. C'est vrai, j'ai eu l'aide aussi à un moment donné, je m'étais éparpillé dans les couleurs, j'en mettais un peu trop, puis il y avait Isabelle Merlet qui était la coloriste très connue, qui était en résidence à la maison de la littérature l'année dernière, puis elle m'a donné des petits trucs là, tu sais, pour... ralentir ma couleur, qui était peut-être trop intense, puis mettre une unité là-dedans. Fait que j'ai eu de l'aide, les gars de la shop aussi m'ont donné des petits cues. Puis non, je voulais rester quand même assez sobre, pas que ça pète. Mais je suis allé d'une façon traditionnelle. T'sais, j'ai travaillé sur des vraies planches à la main que j'ai digitalisées, puis j'ai fait mes aquarelles aussi à la main que j'ai pu modifier après coup. Puis à quel moment on se dit, OK, là, j'y étais avec une teinte un peu plus verte, là, je suis dit, donc c'est vraiment une progression un peu pour qu'on sente un peu le crescendo. Ouais, ben, il y a, tu sais, il y a le septième vers, c'est l'histoire se culmine au septième vers. T'sais, c'est là que le nœud de l'histoire, le nœud des en fin de compte, du secret familial va se résorber, va apparaître. Donc, il fallait que les sept chapitres aient, selon moi, une teinte. Donc, c'est ça que j'ai amené, sans trop en mettre. Là. Fait que, voilà, c'est ça l'idée. Puis de jouer un peu avec les dialogues, parce que dans le fond, autant, justement, on sent la progression du côté camarade. Après ça, OK, on se picosse. Après ça, à un moment donné, OK, on se dit les vraies affaires. Puis là, on est rendu ailleurs, rendu après ces confidences-là aussi. Donc, faut que ça sente. Tu parlais de casting, en fait, j'imagine autant dans la manière d'écrire les choses, autant dans les expressions, dans les positions aussi, où il faut qu'on sente cette évolution, qu'il y a quand même une petite tension à un moment donné, puis une fois que la tension est échappée, là, tes personnages sont un peu plus relax dans la manière qu'ils, dans les blagues. C'est ça, cette passée de ces dialogues-là, des fois, qui peut être un peu plus crunchy à des moments calmes, des moments drôles, des moments un peu plus sérieux, puis c'est ça que j'aimais, là. Tu sais, quand je te parlais du film de Descendant, on passe d'une émotion en l'autre, puis on amène le spectateur. Ouais. Je spécifierais tout en finesse aussi, parce que c'est pas justement, tu t'es pas lâché là. C'est, à la limite, est-ce que tu as eu l'impression d'être retenu pour éviter justement, un peu comme pour la couleur, d'éviter d'en faire un peu trop, de rester vrai justement, de pas. Pas tomber dans le larmoyant non plus. Oui, t'as raison, puis c'est ça, puis c'était ça l'idée aussi, c'est de me retenir, parce que ce qu'on lit là, il y en avait peut-être le double dans le découpage, dans le scénario, puis j'ai retranché. Les gars de la pastèque aussi, quand l'ont lu, on a enlevé certains chapitres. T'sais, mon père fait du tai chi, puis j'avais un chapitre de tai chi sur le golf, parce que Stéphane a mal dans le dos, puis Serge l'aide, puis dit, bon, on pourrait faire des positions de tai chi, puis ils commencent à faire du tai chi, puis ils se font ramasser par le marshal. Les marshals, c'est comme les shérifs là, du golf. Et si tu ralentis le jeu, ils viennent te voir, puis tu sais, ils te sermonnent, puis même ils peuvent te retirer du terrain. Donc, certains chapitres ont été retranchés pour resserrer l'histoire, pour vraiment aller vers le ce que je voulais dire, tu sais, parce que à un moment donné, j'ai tellement une fun à faire l'histoire que j'en ai rajouté. ça le recentrait, ou en fait, où on est vraiment toujours dans la dynamique de dialogue, dans la dynamique d'échange. J'ai quelques influences extérieures, mais on est vraiment, tu sais, complètement avec sur eux. Le père-fils. Oui, c'est ça. À la limite, nous, on est le troisième joueur qui les regarde sans jouer. Exactement. Là, on est le caddie qui les suit, même s'il n'y a plus de caddie maintenant, là. Mais d'ailleurs, les cartes de golf ont détruit la job de caddie. Quand j'étais petit, j'étais caddie pour vrai, là. Puis quand est arrivé les cartes, puis les fameux sacs que tu pousses, là, ben là, on perdait nos jobs d'été. Mais c'est ça. Recentrer, c'est important. Puis rester sur sa ligne, là, pas déroger. Ça peut être une petite pièce de théâtre. Je le voyais vraiment quelque chose de très épuré pour rester sur la ligne de notre personnage qui veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec son père à une certaine époque et son frère, pourquoi. Puis j'imagine que l'avantage aussi, on parlait du terrain de golf côté décor, mais c'est qu'aussi ça demeure un dialogue, et plusieurs me disent souvent, quand on parle de mise en scène en BD, que les grosses séquences d'action, c'est plus facile à dynamiser, à mettre en scène, qu'un dialogue entre deux personnes qui échangent des regards, qui jasent. À un moment donné, est-ce que tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux faire, ou on s'arrache un peu les cheveux en disant, mon Dieu, je me suis mis 90 planches de dialogue. La simplicité, c'est ce qui est le plus dur, je pense, dans n'importe quelle forme d'art, je pense. Aller au plus simple. Tu sais, on regarde les plus grandes auteurs de bande dessinée, souvent des gens là, qui est pur, la ligne est parfaite, le scénario est ciselé, puis ça paraît pas. Tu sais, ça paraît facile, comme quand tu vas voir un spectacle de danse, ça a l'air tellement facile, il y a tellement de douleur derrière tout ça, puis de souffrance, puis de pratique, puis de pratique, puis de pratique. Fait que oui, probablement que je suis allé vers quelque chose de... justement pour pas me compliquer la vie, un récit simple pour justement aller à l'émotion pure. Ouais. Qui t'a accompagné au fil de 2 années, donc... Oui, à travers d'autres projets que je pouvais... Parce que être dedans pendant 2 ans et demi, je pense que j'aurais pas été capable. Fallait que je sorte de temps à autre de ce récit-là pour aller... Puis c'est passé des choses dans ma vie, fait que ça amène de l'eau au moulin, là, tu sais, quand t'as... Puis est-ce que le fait d'écrire, justement, peut-être un album un peu... une certaine forme de confidence, là, comme on le disait. Oui. Est-ce que ça vient aussi influencer, justement, si tu dis, il y a des événements qui arrivent dans ma vie, t'en as parlé dans certaines entrevues, où tu faisais mention d'une dépression, d'une rupture dans le soleil, je pense. Oui. Mais est-ce que ça vient justement aussi alimenter un peu, ou ça permet de sortir autrement, peut-être, des choses difficiles que tu vis en parallèle? Ben, ça vient de nourrir, je pense, la sensibilité. Puis c'est plus ça, je pense. On est capable d'aller au... dans les dialogues avec mon père, entre mon père, je dis mon père, mais c'est Stéphane et Serge, là, c'est pas moi. Faut que je me sorte un peu de ça. Mais ça, tu es capable d'aller chercher, tu es capable de comprendre c'est quoi la sensibilité, puis d'aller, tu sais, les vrais dialogues, la vraie émotion, là. C'est peut-être plus ça que ça aide, ces expériences-là de séparation, de dépression et tout ça, là. J'en ai parlé parce que je trouve ça important, parce que quand j'ai écrit mon récit, je savais pas que mon père en avait fait une, tu sais. Puis moi, j'en faisais une en même temps que j'étais rendu dans une partie de mon récit. Puis, donc, c'est curieux de, tu sais, le mélange d'un homme qui n'a vécu une que tu sais pas, qui est ton père, puis toi qui en vis une, là, sans savoir que ce que tu vis, parce que tu sais pas quand tu vis une dépression. Puis en sachant que c'est pas des thématiques non plus qu'on apporte tant que ça. En fait, il y a encore un côté, justement, tant que t'en as pas vécu une, tu sais pas vraiment non, c'est quoi. Non, ben on en vit toutes probablement des petites périodes. Moi, je pense qu'au 10 ans, là, on en a toujours une petite. On parle d'adolescence, une crise. Moi, je pense qu'il y en a une dans l'enfance, il y en a une dans vingtaine, il y en a une dans trentaine, dans quarantaine, tu sais. Une remise en question, possiblement, là, mais fait que c'est naturel pour moi. Faut pas voir ça comme la fin du monde non plus, là. Et en même temps, ben, justement, je pense qu'on parle beaucoup d'émotions là-dedans. Et je sais pas si c'était un peu ton objectif en terminant, Paul Bordelot, mais j'ai l'impression qu'on partage un moment d'émotion avec toi. Dans le fond, c'est un peu aussi ce que tu nous offres dans le septième vers. C'est un moment d'émotion entre deux personnages. Ouais, ouais, ouais. Puis en toute simplicité aussi, oui. Là. Puis deux gars qui se livrent, qui s'écoutent. Puis le BD est calme, c'est calme lire ça, on est relax, tant mieux, c'était le but. Ben, si tu viens jouer au golf avec moi, tu vas voir que c'est comme ça que ça se passe. Je suis tellement mauvais au golf, c'est probablement pire que toi, de loin. Mais oui, mais merci, en tout cas, c'est l'idée, c'est ça, c'est d'aller ralentir un peu le cours de la vie. Alors, ben, Paul Bordelot, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. On se dit à la prochaine, qu'on en reparlera de concerts dessinés. Yes, l'album sort le 14 mars. Ah, il est pas encore sorti. Non, il s'en vient. 14 mars, lancement à Québec, à la Maison de la littérature. Le 21, en même temps que celui de Richard Valerand et notre ami scénariste André-Philippe Côté, qui s'appelle L'automne rouge. Donc, un double lancement. Le 21 mars, à la Maison de la littérature. Exactement. Donc, on lance l'invitation. On va aller en jaser aussi. Ben, 5 à 7. Et le 14 mars, on met la main sur cet album. Exact. Ben, merci encore. Ça fait plaisir. Et donc, je rappelle, l'album s'appelle Le Septième Vers. C'est à surveiller donc du côté des éditions La Pastèque. Toujours l'écoute de la vie en BD. Raymond Poirier avec vous encore pour un bon 28 minutes à parler bande dessinée. Je vous rappelle d'ailleurs que la majorité des émissions sont disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Également qu'on vous propose à l'occasion des articles sur mon blog personnel, donc voir.ca/Raymond-Poirier. Et maintenant avec nous en studio, Anthony Charbonneau-Grenier, bonjour. Salut Raymond. Alors Anthony, tu es avec nous pour jaser d'une expo qui s'appelle Micro ouvert, qui est présentée jusqu'au 9 avril à la Maison de la littérature. Et j'ai l'impression, peut-être pour situer l'expo dans la nature, en fait, de son exécution, que c'est un peu la jonction de deux univers qui te sont chers, l'illustration, la bande dessinée et la poésie. Donc, c'est un peu les deux volets d'Anthony Charbonneau-Grenier que tu métisses ensemble le temps d'un projet. Absolument, absolument. Ça fait longtemps que je dessine, que je pratique la bande dessinée. Ça fait longtemps que j'écris de la poésie aussi. Mais c'est toujours de quelque chose que j'ai fait en vase clos, de façon complètement séparée. Puis je dirais de peut-être maximum un an, j'ai essayé de travailler sur des petits projets pour les faire dialoguer ensemble, pour trouver des passerelles, disons, pour faire marcher, faire fonctionner bien ces deux formes d'art-là, mes pratiques artistiques ensemble. Puis Micro Vert, c'est le projet qui jusqu'à date, je trouve, fonctionne le mieux, puis qui permet vraiment de bien faire fonctionner ces deux choses-là ensemble. Et peut-être pour situer le projet, ben d'abord, parlons de l'idée. C'est un peu inspiré de soirées d'activités auxquelles tu assistais dans la vie littéraire de Québec, des lectures poétiques notamment. Là. Absolument. Absolument. J'assistais souvent aux soirées de poésie là à Québec. Je pense entre autres à celles du TAP qui ont lieu au Tam Tam Café. Qui ont lieu ce soir, en fait, et celles qui ont lieu également à la librairie Saint-Jean-Baptiste, qui sont organisées par le collectif Ramen, et toutes sortes d'autres activités comme ça qui sont organisées un petit peu partout à Québec. Et je trouvais ça très très touchant. En fait, j'y assistais avant tout en tant que poète, mais je trouvais ça très touchant. Puis comme souvent, quand je trouve des choses remarquables, intéressantes ou touchantes, mais je finissais par après, pas sur le moment même avec un carnet de croquis, mais par après à mon bureau à dessiner. Puis je me suis retrouvé comme avec un carnet plein de poètes derrière des micros. Puis tranquillement, des fois, je les regardais puis je leur inventais des textes, vraiment, parce que des textes que je trouvais qui je regardais le poète puis je me disais, ce poète-là écrirait quelque chose qui ressemble à ça. Et veux pas, à force que le carnet évolue, je me suis ramassé avec presque quelque chose qui ressemblait déjà là au plomb, de façon très brouillon, à une exposition ou à un projet complet. Oui, parce que dans le fond, l'expo elle-même, dans le fond, ce qu'on va découvrir, c'est des duos, dans le fond. Donc, un texte avec un personnage, donc avec ce poète derrière le micro dont tu parlais. Donc, c'est essentiellement, comme tu dis, c'est la suite directe de ce que tu faisais pour le plaisir, dans le fond. Absolument. Absolument. Puis même, j'ai dit que souvent, je regardais des poètes, puis je leur écrivais un texte. Mais c'est aussi arrivé dans certaines situations où j'écrivais un texte, que ce texte-là était étranger à ma façon d'écrire habituelle. Puis je me disais, bon, mais il est pas à moi. Si je faisais de la chanson, je le donnerais à un autre musicien. Bon, et si je faisais du théâtre, je le donnerais à un personnage, et ainsi de suite. Je me dis, bon, ben, ce que je vais faire à ce moment-là, je vais dessiner le poète que je verrais lire ce poème-là. Donc, c'est né vraiment de façon organique comme ça, des fois en trouvant des poètes pour les poèmes, puis des poèmes pour les poètes. Et d'une certaine manière, en fait, en représentant ça, puis sachant que, dans le fond, t'incarnes des personnages, dans le fond, quand tu crées ces textes-là, est-ce que t'as l'impression que c'est plus Anthony Charbonneau-Grenier, illustrateur, qui vient influencer un peu la voix poétique, parce que, dans le fond, c'est pas ta voix personnelle que tu proposes, t'imagines la voix d'autres personnes? Oui. Donc, il y a un travail de recherche stylistique, je dirais pas pastiche, ça serait trop fort, parce que ça reste une certaine partie de moi qui s'exprime à travers ces textes-là, mais il y avait cette volonté-là, surtout à partir du moment où c'est devenu un vrai projet d'expo, de vouloir représenter les différents styles de poésie qu'on entend dans une soirée à micro ouvert. Donc au moment de dessiner, au moment d'écrire, je me disais, bon, ben là j'en ai déjà qui représente ce type de poésie-là, je vais essayer d'aller vers le slam, le haïku, donc vraiment d'essayer de faire une sorte de radiographie du milieu poétique à Québec. Et à travers ça, en fait, qu'est-ce qui t'a séduit un peu dans ces lectures-là? Je voyais un peu dans les communications officielles de l'expo où tu parlais de, entre autres, la vulnérabilité, le courage de la vulnérabilité, en fait, qui était en commune dans le fait d'aller se mettre à l'avant et surtout d'aller mettre un texte qui, dans le cas de la poésie, c'est généralement le cas, c'est assez intime aussi, c'est motivé par une certaine intimité. Absolument, absolument. Puis, pour répondre à la question, c'est que dans tous les cas, dès que quelqu'un, poète professionnel ou poète amateur, dès que quelqu'un fait la décision de monter sur scène devant public pour confier quelque chose qui lui est forcément intime d'une certaine façon, même lorsqu'il réagit à l'actualité ou quoi que ce soit, il parle de ce qu'il touche personnellement, il y a une mise en danger, il y a une ouverture sur sa propre vulnérabilité. Et je trouve que cette vulnérabilité-là est toujours touchante, mais elle est particulièrement dans le cas des gens qui sont pas du milieu de la poésie, qui se revendiquent pas comme des poètes professionnels, mais qui ont quelque chose à dire. Ils disent, il y a un micro ouvert, on me donne la chance de m'exprimer devant le public, puis on va m'écouter. Je vais monter, puis je vais dire ce que j'ai à dire. Et là, c'est touchant de voir l'effort que ces gens-là font pour vaincre une partie de nervosité puis de gêne qui est tout à fait normale, mais dans le but de livrer quelque chose, un message, ou de se libérer de quelque chose qui en sort le cœur. Puis c'est un peu ce que j'ai cherché à reproduire là, dans les subtilités du dessin, souvent l'expression, la gêne, au contraire la confiance, l'énergie. Et j'imagine, en fait, toi aussi, tu as déjà participé à des soirées comme ça en tant que poète, en tant que lecteur, donc il y a un peu aussi de... En fait, dans les voir, en fait, tu te revois aussi quand toi, tu te livres à cet exercice-là. Est-ce qu'il y a une dynamique un peu comme ça? Ben, du fait que je connais cette expérience-là moi-même, c'est sûr que je suis plus peut-être empathique que quelqu'un qui va voir une soirée comme ça, qui est jamais monté sur scène, puis qui peut-être qui perçoit pas cette part-là de mise à risque. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que mon expérience de poète a beaucoup influencé le résultat final de l'exposition. Et ensuite, on y va, dans le fond, au fil de l'exposition, avec des personnages quand même assez variés aussi. Dans le fond, il y a un côté archétypal à certains, en fait, de la fille un peu saoule ou carrément saoule qui essaie de lire son poème à la personne qui a plus d'aisance, qui réussit à performer, au type qui est super timide, au type qui se donne un style. Absolument, ben. Il y a une chose que j'ai pas dit encore, c'est que c'est les poètes que j'ai dessinés sont tous des poètes fictifs. C'est pas des poètes que j'ai regardé quelqu'un sur scène puis j'ai dessiné là, puis que je pourrais dire en secret à quelqu'un, mais ce poète-là, c'est telle personne. Donc oui, ils ont un côté archétypal, mais j'ai fait très attention de pas tomber dans le stéréotype. Là, c'était un peu les Charib et Scylla du projet. Je voulais pas aller dans du côté où c'était trop ressemblant puis on reconnaissait les poètes. Je voulais pas aller du côté trop stéréotypé ou bon, ça tombe un peu dans la caricature, donc je voulais garder une certaine subtilité. Et donc, c'est je pense qu'archétypal, c'est le bon mot. C'est des groupes de poètes que j'ai regroupés ensemble pour en donner une impression. Et dans ce contexte-là aussi, ben au niveau des textes, donc ça veut dire qu'on joue entre des textes qui sont plus émotifs, qui sont plus lourds de sens, on peut dire, pour ce personnage-là, à d'autres qui sont carrément humoristiques aussi. Quand on tombe dans des archétypes, ben, je parlais justement de la personne ivre, ben elle livrera pas un message très très à cœur ouvert, au contraire, ça va être un petit peu plus un côté ridicule peut-être même, mais ridicule touchant. oui, ben c'est ça, je voulais pas, c'est pas le ridicule qui m'importait dans ça, c'était vraiment le touchant. Puis le but, c'est quelqu'un qui va visiter l'expo micro vert demain matin à la Maison de la littérature, mon but, c'est qu'en passant à travers les 16 tableaux, c'est un peu comme s'il avait assisté à une soirée de micro vert. Ces choses-là, c'est des choses qui arrivent dans les soirées de micro vert. Ça va arriver que quelqu'un passe en dernier à la fin de la soirée puis qu'il a bu 4 pintes, qu'il est tout mélangé, qu'il trouve plus son poème sur son téléphone ou que ses feuilles sont toutes chiffonnées. Ça fait partie de la beauté de l'expérience. C'est que il y a des gens professionnels, il y a des gens amateurs. Toutes les gens réagissent à un tract. Au moment où ils montent sur scène. Oui, puis tout le monde réagit de manière différente aussi. Veux pas. Y en a pour qui, justement, peut-être que la peine va être un peu le courage liquide dont ils ont besoin pour franchir la ligne, mais qu'à un moment donné, justement, tu calcules pas bien des trucs. Il y en a d'autres qui, au contraire, eux autres, ils l'ont écrit pour le lire. Oui, c'est ça. Puis qui ont l'expérience de la lecture, puis qui arrivent, puis pour eux, c'est tout à fait naturel, puis qu'ils le font avec une prestance de comédien. Et dans un contexte où, même à la limite, en fait, les lectures poétiques, c'est pas si fréquenté, en fait, en dehors d'un certain milieu littéraire qui les suit, qui les connaît, mais pour beaucoup de gens, c'est encore une espèce d'horizon inconnu. Est-ce que tu as l'impression aussi que de voir un peu ces archétypes-là pour des gens qui voient la Maison de la littérature ont peut-être envie d'aller voir la vraie affaire aussi, puis de se dire, ben OK, j'en ai entre guillemets vécu une sur les planches, mais là, je vais aller voir une vraie soirée à librairie, au TAP ou ailleurs, dans le fond? Mais je l'espère. En fait, ça serait le plus beau compliment que je pourrais entendre. Quelqu'un qui viendrait me dire, bon, mais je suis jamais libre les vendredis soirs ou peu importe, au moment où il y a des micros verts. Je savais pas que ça existait à Québec. Mais en passant à la Maison de la littérature par hasard, j'ai circulé dans votre expo, j'ai aimé ça. Puis maintenant, je vais en voir. Ouais, ça serait... Parce qu'il y a comme deux niveaux, en fait. J'imagine, il y a celui où on reçoit les archétypes, il y a celui où on les découvre, puis il y a celui où on les reconnaît aussi, parce que pour quelqu'un qui, lui, va être allé à des soirées de slam ou à des activités comme ça, ben lui va avoir, j'imagine, une relation différente aussi avec ton expo. Oui. Mais je pense que pour les gens du milieu de la poésie, il y a cette idée-là que c'est un reflet renvoyé, donc peut-être que... Ben ça, en fait, c'est vraiment les gens qui vont avoir le plus de référents pour comprendre toute l'exposition. Il y a aussi, mais des fois, en travaillant sur l'expo, je pensais un peu à toutes ces anecdotes qu'on entend de romanciers qui écrivent sur une famille, puis qu'après leur famille leur dit, c'est moi, tu m'as dessiné comme ça, je suis pas comme ça pour vrai. Donc je voulais pas tomber dans ce piège-là non plus. Donc vraiment, en fait, au niveau des croquis, on sent aussi que t'as mis l'accent justement sur certaines expressions, sur des positions aussi beaucoup dans le fond, parce que tu t'es pas donné beaucoup de place pour illustrer l'essence de tes personnages non plus. C'est un dessin, c'est une illustration, là, c'est pas une suite de... Donc ils sont figés dans l'action, dans une posture, il faut choisir la pose, l'expression, pour que ça soit clair aussi, parce que... Le personnage, enfin, on changerait le personnage avec le même texte à côté, puis ça serait radicalement différent aussi. Là, absolument. Absolument. En fait, c'est une des choses que je trouve qui est centrale au projet, puis qui est central à toute lecture de Microvert, mais que j'ai essayé de rendre le mieux possible dans le projet, c'est que quand on assiste à une soirée de poésie, on n'a pas seulement le texte comme en recueil, on a la personne qui livre le texte. Donc forcément, le corps de cette personne-là, l'attitude de cette personne-là va influencer la façon dont on reçoit le texte. Puis de la même façon, on lit le texte en fonction du corps qu'on voit et on lit le corps en fonction du texte qu'on entend. Donc ces deux choses-là dialoguent ensemble. Puis pour moi, c'était là tout le cœur de l'idée de les mettre côte à côte. C'est ce qui fait qu'après, si quelqu'un peut le voir en expo, peut le lire en recueil, puis avoir toute la richesse d'une soirée de poésie, mais en différé, puis couché en 2D. Oui, puis que dans le cas de ton travail, dans le fond, on puisse pas enlever là, Anthony Charbonneau-Grenier, illustrateur ou le poète, mais qu'on soit obligé de les considérer comme un tout. Oui, mais idéalement, les deux s'effacent. Idéalement, les au deux... Au service des personnages. Exact, exact. Et on peut découvrir ça, en fait, c'est un peu à cheval entre deux festivals, d'ailleurs, le Mois de la poésie qui court présentement, et ensuite tu termines la dernière semaine avec le Festival de la BD, donc encore là, on jouxte des univers aussi par l'événementiel. Alors c'est jusqu'au 9 avril à la Maison de la littérature, dans l'espace galerie là, au rez-de-chaussée. Anthony Charbonneau-Grenier, merci d'être passé. Merci beaucoup. Et nous, on va retourner maintenant en musique, toujours avec Saveur 8-bit, la formation Astro de Fox, et on écoute un nouvel extrait. Voilà, donc toujours Astro de Fox ici au 89. Dernière ligne droite de cette édition de La Vie en BD. Dernière ligne droite qu'on franchira en compagnie de nos libraires en résidence du côté de la librairie La Liberté. Donc Jérôme Vermette, bonjour. Salut bien. Et Jérôme, comme d'habitude, quelques commentaires, quelques regards sur des sorties récentes et les trois titres que tu as choisis cette semaine. Il me semble que c'est assez varié, assez disparate. Varié, puis je dirais même... assez exotique comme style, je te dirais, Raymond. Je commence par ce que je veux. Ben oui, pourquoi pas. Ok. Ben, je vais commencer par celui qui me paraît le plus... peut-être celui qui va être le plus difficile d'approche pour tout le monde qui va vouloir l'essayer. Moi, j'ai adoré, mais bon... je sais que quand tu parles de BD qui sont un peu hors de l'ordinaire... par exemple, Marc-Antoine Mathieu, je me ramasse toujours, on se demande pourquoi moi je trippe, ben bon. Pourtant, c'est tellement bon, Marc-Antoine Mathieu. Ben, j'adore ça, je trouve ça génial, ben bon. Enfin, c'est quand même moins flayé, là, mais vous allez comprendre quand je vais vous parler un peu de ce qu'il s'agit. Donc, c'est la BD « Tu sais ce qu'on raconte », écrite par Gilles Rochier et dessinée par Daniel Cazanave, qui font beaucoup de BD d'auteur dans les deux cas, là. Donc, ce qui est particulier avec cette BD-là, c'est que l'histoire, pour la raconter très vite, c'est quelqu'un qui, une personne qui revient dans le village qu'il avait quitté depuis plusieurs années. On sait pas ce qu'il vient faire. La personne en question, vous allez comprendre pourquoi on le voit jamais en tant que tel. Ce qui arrive, c'est que la BD, elle est construite de telle sorte que c'est les gens dans le village qui, entre eux, c'est, hey, tu sais, il est revenu dans le coin, puis là, ils se mettent à parler du type en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, finalement, l'histoire qui est importante, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. C'est une histoire plutôt tragique. Je veux pas m'embarquer là-dedans exactement, mais elle est toujours racontée d'un point de vue différent. À chaque case, pratiquement, on change de personne, on change de milieu professionnel, tout ça. C'est un défi en soi de raconter une histoire comme ça, toujours d'un autre point de vue. Puis parfois, de temps en temps, les personnes se contredisent. Mais non, c'est pas ça qui s'est passé pendant puis tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est exactement déroulé? C'est ça qui fait l'intérêt de cette BD-là en tant que telle, et elle est racontée d'une manière assez hors norme. Le défi là-dedans pour les auteurs, et selon moi, ils l'ont relevé, c'est de garder ça dynamique. Une BD, ça a besoin d'être dynamique dans sa séquence. Et donc, dans les dessins, même quand on change de personnage, on sent qu'il y a une certaine fluidité. Pareil comme dans les textes, les gens, on a l'impression qu'ils se répondent l'un l'autre. Et en même temps qu'on veut savoir c'est quoi qui s'est déroulé il y a plusieurs années, on a l'impression qu'on a en même temps le portrait d'un village avec ses petits... les gens qui se marmonnent entre eux autres. Oui, les rumeurs des villages. On voit les cols bleus qui parlent, les grands professionnels qui parlent, la famille où c'est la femme qui dit « Bon, tu vas encore boire avec tes amis. » Bon, c'est sa force, en fait, j'imagine, en fait, dans le jeu de construction, ça force une attention, une dynamique particulière pour le lecteur parce que, dans le fond, on veut pas, nous, on a à reconstruire cette histoire-là. On veut savoir, donc faut aller chercher les indices, chercher les éléments. Tout est là, mais il faut faire, entre guillemets, l'effort. Exactement. Puis en plus de ça, on peut même se demander « qui est digne de confiance là-dedans? » Quand tu parles de ça, lui, il a l'air de le détester. En tout cas, vous voyez le genre. C'est vraiment une expérience en soi, cette BD-là. Moi, je la recommande parce qu'elle est plus facile à lire qu'elle en a de l'air expliquée comme ça. Mais c'est une expérience en soi. Oui, puis en fait, c'est le fun des fois de tomber dans des structures qui sont pas classique non plus, qu'on joue un peu avec les cadres, avec les cases, avec l'organisation du récit. Il me semble que ça change aussi un peu, puis c'est nécessaire ce type d'album-là. Ben, en tout cas, c'est ça, moi je trouve que ça brise les règles. En même temps, l'album est facile à lire parce que dans le sens que c'est pas les cases, c'est des cases construites normalement, les planches sont normales, mais d'une case à l'autre, on change de personnage. On sait pas à qui il parle. Bon, en tout cas, c'est une expérience. Finalement, là, moi j'ai adoré. Je pense pas que ça va être pour tout le monde. Mais ça vaut la peine d'aller la feuilleter minimalement pour voir si... puis c'est au descriptif de la façon dont on parle, si on se dit « Ah, peut-être que ça pourrait m'intéresser, peut-être que... » Faut l'expérimenter. Puis juste pour donner un petit clin d'œil, quand même, il y a quelques planches qui montrent peut-être ce qui s'est passé. Bon, fait que... Tout est là. Autre album, Jérôme, Le Dessin. Le Dessin de Jonathan Munoz. Avec un E-I, là. Ouais, c'est ça. Le Dessin, comme l'expression, j'ai fait cela à dessin. Mais bon, les doubles sens est fort probablement voulu. C'est une espèce de méta-discussion sur la BD, sur le fait d'être dessinateur. En fait, là-dedans, Jonathan Munoz se dessine lui-même au début de sa carrière. Il essaie de percer dans la BD, puis il n'y arrive jamais. Il reçoit toujours des lettres de refus. Et puis, éventuellement, un vieux monsieur se prend d'affection pour son art, puis lui dit « Tu veux percer? Je vais te montrer quand même. » Là, ça devient un peu karaté-kidesque, là, si j'ose dire, où il le prend en charge, lui montre pratiquement d'une manière spirituelle le fait de dessiner, puis il l'inscrit à un concours pour qu'il produise à la planche, sans faire de jeu de mots. Et des dessins sur un thème, ça prend une grosse partie de l'album, d'ailleurs, ce moment-là. Et éventuellement réussir à être publié. Ce qui est vraiment hyper intéressant là-dedans, cette BD-là, c'est que Munoz change de style. Bon, il y a la BD centrale, l'album central d'histoire de ce personnage-là, qui est lui-même. Mais aussi, quand il participe au concours de dessin, il montre une planche complète, c'est quoi le dessin qu'il a produit. Là, il change de style. C'est le style de son personnage. Puis, il nous montre les possibilités expressives du dessin en tant que tel, parce qu'il change de thème. Il faut le voir, là, il change de thème à chaque fois. Il y a plusieurs thèmes qui passent, il faut qu'il en reste juste un. On a l'impression d'être dans Highlander, il ne doit en rester qu'un. Et donc ça, c'est déjà en partant, c'est intéressant, parce qu'il montre les possibilités de l'art. Et à la toute fin, ça, c'est un coup de maître, selon moi. Là, il trouve l'album que son maître avait fait il y a fort longtemps. Là, on se retrouve avec une BD à l'intérieur de la BD qui est elle-même une BD sur l'art en tant que tel, de l'art, sur l'art séquentiel. Donc, dans le fond, dans une BD sur la BD, il y a une BD sur la BD. Exactement, qui est elle aussi dans un autre style. C'est vraiment fabuleux. C'est très bien, très facile à suivre. C'est du bonbon, selon moi, tant visuel que scénaristique, parce que c'est drôle aussi, c'est léger, c'est puis, pas... Puis le côté visuel, c'est on est dans quel style, dans quel... Munoz, il a son style à lui, relativement simple, en même temps visuellement beau, mais il est en noir et blanc, là. Quand c'est le personnage, c'est en noir et blanc. Ses dessins du personnage sont superbes, à la fois humoristiques, parfois plus sérieux, mais sont vraiment superbes, puis là, sont tout en couleur, comme s'il peinturait. Et son maître, lui, bon, ben là, lui, il s'éclate. Là, c'est plus quasiment bon enfant, là, tout ça. Là, on est vraiment dans d'autres choses, mais c'est très, très drôle et à la fin, très touchant. Donc vraiment là, ça c'est un album je pense qu'on peut ne on peut pas ne pas aimer. Il lui pourrait s'adresser même aux fans plus casual, la bande dessinée, malgré tout, malgré toutes ces possibilités-là. Là. Oui, puis à la limite, en fait, ça devient des albums où, en fait, c'est intéressant quand on commence une relation avec le médium, de lire des BD qui parlent aussi du médium. Il me semble que ça devient aussi, on acquiert en fait une certaine connaissance comme lecteur, on se forme un peu, entre guillemets, mais dans le plaisir. Ben oui, tout à fait. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'album reste, malgré le fait que c'est un album qui pourrait être... didactique, parce qu'il parle du 9e art. Il reste drôle. Les personnages sont le fun, sont agréables, sont bien construits. Et puis, il y a des moments touchants aussi. Donc, c'est un de mes coups de cœur actuellement là, dans la BD. Là. Alors, ça, c'est le dessin donc de Jonathan Munoz. Yes. Et en terminant, peut-être un petit deux minutes là, sur Lucky Luke, nouvel opus. Le nouveau one-shot de Lucky Luke, c'est complètement à l'opposé de L'homme qui tue Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, qui était beaucoup plus sombre, plus western spaghetti. Jolly Jumper ne répond plus de Bouzard, s'éclate dans le loufoque, mais d'une superbe manière, selon moi. Bouzard s'est amusé, je dirais, avec tout ce qui est étrange dans l'univers de Lucky Luke, et notamment la relation fusionnelle du cowboy avec son cheval. Oui, qui est super importante dans Lucky Luke, mais quand on prend rationnellement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est là-dessus que Bouzard joue. Donc, Lucky Luke a sa mission, il doit faire quelque chose avec les Dalton, mais il passe son temps à essayer de redévelopper sa relation avec son cheval. On dirait un homme et une femme en couple. C'est très, très drôle. Déjà, on partage cette situation-là. Mais après ça, Bouzard s'amuse avec d'autres concepts comme, par exemple, le fait que Lucky Luke fume plus la cigarette, mais a le brin d'herbe. Donc, à un moment donné, il y a une discussion avec un procureur qui dit, moi, ma femme veut que j'arrête, mais elle me dit, tu sens le foin, mais bon, vous voyez, genre. Fait, comme quoi, l'anecdote, le passage de la cigarette à Marie, parce que c'était aussi l'a priori de Mathieu Bonhomme, de son homme qui tue à Lucky Luke. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est là-dedans. Autant l'album est drôle, puis bon, il y a une aventure de Lucky Luke dans le même univers que Maurice avait créé. En même temps, Bouzard, je pense, nous montre tout le potentiel de l'univers que Maurice avait créé pour faire autre chose. Finalement, c'était un peu dur à expliquer ce que je veux dire. Non, mais qu'en fait, le côté humoristique, en fait, d'aller presque un côté strip, un côté un peu absurde aussi, de jouer sur justement d'autres pans. À la limite, c'est le genre de trucs qui nous font relire même des vieux Lucky Luke en remarquant peut-être un peu plus ces éléments-là que lui, si tu me permets l'anglais, ils ont flashé. Les fans qui ont suivi Lucky Luke vont cliquer sur les autres. Ben oui, c'est vrai, c'est normal, je me pose cette question. Comme par exemple, à un moment donné, il parle de Jack Dalton, il se demande, c'est qui? C'est le moyen du milieu ou c'est le petit du milieu? Personne le sait, finalement, on s'en rappelle jamais. En tout cas, oui, lequel est Jack et William? Ouais, sont c'est ça, sauf Mel tout le temps. Avril, qui est vraiment gros parce qu'il mange tout le temps, au lieu d'être mince comme les deux autres, il est vraiment gros là-dedans. En tout cas, c'est vraiment génial comme album. On peut pas ne pas s'amuser. C'est sûr qu'il s'adresse manifestement à ceux qui connaissent les canons de Lucky Luke. Les néophytes ne commencent pas par un album comme celui-là, c'est sûr, mais c'est un hommage aussi drôle que élogieux, finalement, à l'univers de Maurice. Alors ça, c'est Jolly Jumper ne répond plus. Jérôme Vermette, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Raymond. Merci de m'avoir invité. Mais ça me fait plaisir. On se voit bientôt. J'espère. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, un nouveau concert dessiné pour l'Harmonie de Charlebourg et la programmation de la 30e édition du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. Passez une bonne semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.